on retrouve une lettre abîmée par le temps. Le souvenir d'un être aimé à 17 ans. On revoit un visage, on écoute une voix qui ressemble au passage à l'image d'autrefois. On en fait des histoires pour une photo jaunie. Le ciel de ma mémoire a des reflets. Le nuit, putain le temps qui fait des enfants aux enfants, des tours d'ivoire aux éléphants. Putain le temps, tout doucement, on va sur ses noces de diamants, le champagne coule au nouvel an. Putain de temps. On cherche dans un livre les mots que l'on attend de n'avoir pas su vivre la vie au bon moment. On rencontre au hasard un témoin du passé et s'ouvrent les armoires des sentiments blessés. On refait malgré soi le chemin à l'envers en se disant tout bas que c'était mieux. Hier, putain le temps qui fait des enfants aux enfants, des tours d'ivoire aux éléphants. Putain le temps, tout doucement, on va sur ses noces de diamants, le champagne coule au nouvel an. Putain le temps. Depuis le temps qu'on va de l'eau à l'océan, sans fin et sans commencement. Putain le temps. Finalement, le ciel nous gardera vivants. On se reverra forcément.